Salut les filles, vous êtes bien sur mon répondeur. Vous avez 30 secondes pour me déclarer votre flamme et la vie entière pour la regretter. Allez, c'est à vous.